L'Agence Télégraphie Centrale de Corée a publié le 6 courant un rapport détaillé sur la victoire prodigieuse, dite le changement du mal en bien, dans les chantiers de reconstruction des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. Titré « Nouveau prodige mythique de la Corée du Tse, dû à la guerre du grand parti pour le compte du peuple et à la grande force de l'unité monolithique », le rapport indique notamment. Pour auréoler cette année significative où s'est tenu le 7e congrès du Parti du Travail de Corée d'une grande prospérité de la révolution, tout le peuple coréen a fait une grande marche et la victoire éclatante a été obtenue dans les chantiers de rétablissement des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord, objet principal de la campagne de 200 jours. En un peu plus de 2 mois, ont été mis sur pied les maisons d'habitation sans étage à 3 ou 5 niveaux de plus de 11 900 foyers, une centaine de crèches, jardins d'enfants, écoles, hôpitaux et cliniques, et les habitations de plus de 15 000 foyers ont été réparées. Notons encore l'endiguage du fleuve Douman et le terrassement de la terre pour la protection du fleuve de plus d'1 900 000 m3, les travaux d'arrangement des cours d'eau de plusieurs dizaines de kilomètres et la reconstruction des chemins de fer et des routes de plusieurs centaines de kilomètres et la reconstruction des dizaines de ponts. Ainsi, ont été enregistrés dans les régions septentrionales de la Corée un nouveau mythe héroïque de l'époque Malima et une nouvelle légende de l'amour du peuple de l'époque du Parti du Travail. À travers la lutte pour reconstruire la forteresse socialiste destinée au bonheur du peuple dans les régions révolutionnaires à l'est du mont Paektu historique, l'unité monolithique de nos rangs révolutionnaires s'est fortifiée davantage et la force de notre État s'est centuplée. La force du grand peuple coréen uni dans une seule pensée et l'esprit vigoureux de la Corée du Tse en progression vers la victoire finale ont été manifestés sans réserve dans le monde. La victoire et la gloire sont toujours promises à notre patrie en marche vers la victoire finale de l'œuvre d'édification d'une puissance socialiste grâce à la force énorme de l'unité de la Corée du Tse, dont le peuple est étroitement uni autour du maréchal Kim Jong-un, soleil de notre destinée, et à la force de la cohésion entre l'armée et les civils prêts à accomplir tout ordre du parti dans toutes les adversités.